ça m'attire pas quand je vois les gens faire ça. Par exemple, les gens de ma connaissance, je connais des garçons qui font ça. Je leur dis, ça sert à quoi dans votre vie? Ouais, mais j'ai des soucis. Oui, mais c'est pas en fumant ou en buvant ou en faisant des ballons que vos soucis vont partir. C'est encore pire. Du coup, bah voilà. Comment vous faites pour être aussi mature à votre âge? Bah, moi j'ai toujours. En fait, j'ai ma grande sœur et depuis mes 2 ans, je suis collée à elle. Du coup, je suis toute avec ma grande sœur. Du coup, bah, en fait, tout le monde me dit que je suis mature. Moi, je trouve pas d'ailleurs. Mais ouais, en fait, ma grande sœur, j'ai vu avec elle en fait tout ce qui se passait dans la vie et j'ai appris. Et du coup, bah, voilà. C'est pareil. Et je pense après, c'est l'éducation aussi qu'on nous donne et l'environnement qu'on côtoie. Ça, je reviens encore à l'école, mais c'est partout, genre l'école, le quartier. Après, vu qu'on est copines, bah, on a un peu, je pense qu'on a les mêmes façons de penser, les mêmes idéologies. Donc, ça joue beaucoup. Voilà. Et toi, tu as une réponse? Comment ça se fait que on est mature? Que tu es mature, ouais. Bah, les choses de la vie. J'ai pas de grande sœur, mais bah, c'est à force d'apprendre. En fait, par exemple, je vois des gens de mon âge, ils pensent pas pareil que moi. On va pas dire que ça me choque, parce que en fait, je me vois moi avant. Et du coup, je peux pas me permettre de leur dire quoi que ce soit parce que j'étais comme ça. Mais en fait, quand tu vois des choses, t'apprends des choses, et bah, ça te donne plus envie de réussir que de se détruire en fait. Et du coup, bah, ça te rend meilleur. Enfin, il y en a enfin, y en a, ça les réussit pas. Hein. Mais moi, en partie, par exemple, bah, je suis quelqu'un, par exemple, je vais être déçue, je vais être dégoûtée, je vais être dépressive, on va dire. Mais je le suis pas vraiment. En gros, je vais réfléchir pour que ce qui s'est passé, en gros, pour plus que ça se produise. Vous voyez? Et en gros, bah, c'est une force après. Du coup, bah, ça me donne envie de réussir et voilà. Un autre papier? Attends, j'ai pas tiré les Ah, ok. Le lycée, de tous les coups, On a déjà parlé, non? Bah, le lycée, c'est les fréquentations. Les professeurs aussi, parce qu'il y en a avec qui on a de bonnes relations. En gros, il y a des professeurs, moi je les aime plus que d'autres, parce qu'il y en a en fait, tu vois qu'ils veulent t'aider. Il y en a d'autres, bah, en fait, ils ont réussi leur vie, du coup, ils s'en fichent. Bah, d'ailleurs, ils nous le répètent tous les matins. Mais voilà, après le lycée, bah, c'est l'école, du coup, c'est ta vie, c'est ton futur. Et voilà. Et ça change quelque chose entre le lycée et le collège? Ah oui, beaucoup. C'est quoi la différence? Bah, le collège, c'est les premières rencontres de. Par exemple, nous, on a grandi ensemble. Donc, quand on descend ailleurs que notre quartier, on connaît de nouvelles personnes, c'est de nouvelles connaissances. Du coup, bah, c'est de nouveaux amis. Ou même de nouvelles personnes dans nos vies, en fait. Pas que des amis. D'autres personnes, mais c'est pas des amis. Ça devient mieux. Et le collège, bah, c'est ce qui fait grandir aussi. Parce que, et par exemple, quand je vois les sixièmes de maintenant, moi, en sixième, j'étais pas comme ça. Hein. Je me maquillais pas. Quand je vois les sixièmes de maintenant, c'est plus les gros cartables. Ils ont des sacs à main. Moi, ça me choque, ça, par contre. Vraiment. Genre, ouais. Moi, j'étais en soulevette, je sais pas. Ça me choque, par contre. Je sais pas si ça va mature, mais. Ouais, c'est vrai, le collège, c'est rien. En fait, le collège et le lycée, c'est vraiment rien. C'est un monde parallèle. Quand je suis passée du collège au lycée, déjà, le lycée, je croyais que c'était comme Dice Cause Musical, on allait chanter sur les tables, tout, rien à voir. Et en fait, j'arrive au lycée, je me suis dit, mais c'est pas le collège. En fait, le collège, on avait pris 4 ans quand même de nos vies. Moi, c'est 4 ans. 4 ans de nos vies. Et du coup, on avait nos habitudes du collège, quoi. Et en fait, quand tu rentres au lycée, bah. En fait, tu trouves que tu es plus libre. Parce qu'au collège, tu es cadré, tu es beaucoup cadré. Tu ne peux pas sortir, tu as peur au téléphone. C'est beaucoup cadré. Mais en fait, au lycée, entre un cours, tu peux partir. Bon, à part dans le lycée de Camélia. Mais entre un cours, tu peux franchement facilement partir. Et je trouve que c'est moins cadré. Après, pour les profs et tout, si, bien sûr, c'est cadré. Mais on est plus autonome, en fait. On est plus dans l'autonomie. Là, on est. Alors qu'au collège, les profs, ils nous aident beaucoup. Là, ils vont nous aider, mais moins qu'avant. Ils vont dire, faut que vous vous entraînez, parce qu'on ne sera pas là à votre bac, c'est pas nous, on va faire à votre place. Du coup, ils nous mettent beaucoup de pression. Bon, moi, je suis pas. Je suis une meuf stressée, mais pour l'école, ça va. Ça dépend. Et voilà. Et toi, il y a une différence entre le collège et le lycée? Bah, moi, je trouve pas. En fait, je suis dans un lycée privé, du coup, j'ai pas le droit de sortir entre les cours. Si je sais, c'est un cours. Ma mère, elle va être au courant dans les 15 minutes. En fait, j'ai l'impression que ça change pas trop du lycée. C'est plus les personnes, qu'est-ce qu'elles font. Après, il y a beaucoup de personnes, en fait, on se rend compte, on n'a pas la même mentalité qu'au collège. Il y a beaucoup d'hypocrites. En fait, les gens, ils parlent sur nous. Par exemple, en fait, moi, déjà, dans ma classe, en fait, je calcule pas trop les... Je viens pour l'école et... Je calcule pas les gens de ma classe à part 3-4 personnes pour se sociabiliser ou parce qu'elles étaient dans ma classe l'année dernière. J'ai une selon mon apparence, en fait, ils me jugent à mon apparence. Ils pensent déjà que je suis méchante alors que je suis un sucre, en fait. Je suis trop gentille et tout, genre je comprends pas. Parce qu'en fait, j'ai un regard. Ils pensent que je regarde mal alors que je les regarde même pas. Déjà, des fois, je vois mal. Du coup, en fait, j'ai appris par des autres filles de ma classe qu'ils pensent que je suis méchante, insociable, que je suis hautaine. Ça revient beaucoup, ça. J'ai appris aussi que j'étais une fille superficielle. Alors que je suis... Enfin, juste parce que je mets un peu d'anti-cerne et du blush, voilà. C'est même pas toujours comme ça. Hein. Je mets en serviette. Je pense, vu qu'il y a plus... En fait, il y a moins de mixité aussi. Dans mon lycée, il y a moins de mixité. Ça veut dire qu'il n'y a que des filles? Non, mixité... Culturelle? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que des blancos? C'est ça, ouais, des whiteos. je crois, la seule maghrébine de la classe. Et du coup, par exemple, moi, j'ai vraiment les cheveux plus foncés, la peau un peu... Bah, je suis claire, hein, mais... plus maths comparé à eux. Et du coup, ils me voient comme... on m'a dit que j'étais une fille de Snap. C'est quoi, une fille de Snap? Genre, je suis choquée. J'ai appris ça il y a 5 jours. En gros, parce que je me lisse les cheveux, j'ai les cheveux lisses, je me maquille un peu. Un coup, je suis en survêtement. Déjà, ils pensent que je vais les agresser. Alors que pas du tout. Et, tu trouves que c'est raciste? Raciste, je sais pas. En fait, je m'en fous. Et je le prends pas à cœur. Du coup, je sais pas si c'est... Par exemple, une autre personne, elle peut penser que c'est raciste ou que c'est... je sais pas comment on dit. C'est... Un préjugé? Ouais. Oui, je sais que c'est des préjugés, par contre. Mmh. Ils ont vraiment beaucoup de préjugés. Mais ça m'atteint pas. Je m'en fous un peu. Alors, une fille de Snap, c'est une fille qui se met du maquillage et qui se met ses cheveux? Ouais, c'est superficielle en gros. D'accord. Qui pense qu'à manger, sortir, se faire belle, se faire remarquer. Voilà. Okay. Prendre les gens de haut. Alors que moi, je pense pas que c'est fait pour ça, les filles de Snap. Voilà. Ok. On tire nos papiers? L'âge de la connaissance de la vie. L'âge de la connaissance de la vie? Ouais. Waouh. C'est toi qui as écrit ça. Ça se voit. En fait, on en a déjà parlé un peu. C'est l'âge, l'âge de tout, l'adolescence. C'est l'âge où t'apprends tout, la première fois à tout, quoi. Voilà. On en a déjà parlé, je pense pas. J'avais des choses à rajouter. Non. Mûrir. C'est toi, Mila? Oui. Bah, c'est à moi de parler, là, c'est ça? Non, c'est à toi. Comme vous voulez. Ah, comme tu as quelque chose à dire. Bah, mûrir, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est les épreuves de la vie. Puis voilà. Ouais. Je pensais pas qu'on allait... Est-ce que les filles et les garçons mûrissent pareil? Non. Mon médecin, il m'a dit que les garçons... Oui, les garçons, ils mûraient plus tard que les filles. Ça se voit, mon frère. Non, mais moi aussi, après, frère, je pense que ça aussi. Dépend des cas. Oui, après, ça dépend des cas. Il y en a... Mais franchement, en fait, les garçons, des fois, je me dis, mais comment ils réfléchissent? Parce que je réfléchis. Après,

Ah, on faisait des goûters Alger avec 20 on avec 2 euros. On avait 2 euros chacun. On allait faire des grands goûters. On mangeait et tout. Là, aujourd'hui, c'est maman, passe-moi 10 euros. Moi, 10 euros. Déjà, c'est le monde entier. Vraiment. On a tous les jours pendant un mois. Non, franchement, on n'a pas la vie. Et si un jour vous avez des enfants? À 6 ans, ils iront au toboggan ou ils auront un téléphone? Moi, je ferai en sorte qu'ils grandissent comme j'ai grandi. Moi aussi. Mais après, aussi, c'est la France. C'est où on vit, en fait. C'est notre société, elle est comme ça. Donc, on peut rien y faire, en vrai, de vrai. Donc, franchement, moi, j'essaierai. Parce que même si tu interdis tes enfants à l'école, ils vont voir ça. Ils vont dire, ouais, mais maman, pourquoi moi, j'ai pas ça alors que lui, il a un téléphone. Et t'as beau l'expliquer, il va dire, oui, mais il a un téléphone, lui. Et pourquoi moi, j'ai pas de téléphone? Et après, tu vas te dire, mon fils, il fait de la peine, ma fille, il fait de la peine. Du coup, je dois lui acheter un téléphone. En fait, c'est dans la société dans laquelle on vit. Mais vous qui avez quand même des téléphones assez jeunes par rapport, par exemple, à notre génération, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez dire, des conseils que vous pourriez donner aux petits? Bah, allez jouer. Allez jouer parce que, par exemple, à notre âge, on ne peut plus aller jouer. Genre là, on va faire du toboggan. Sinon, on a des problèmes mentaux. Alors que quand tu es petit, tu n'as pas de problème, tu es bien dans ta vie. Logiquement, normalement, tu es bien. Et tu penses qu'à jouer et à être heureux. Mais tu peux être heureux, mais d'autres manières qu'avec un téléphone. Quand tu partages à manger, on était heureux quand on partage à manger. Quand tu as de nouveaux amis, par exemple, nous, avec quelqu'un qui venait au parc, on va pas dire qu'on était méchantes. On était méfiantes un peu. Mais après, genre, quand on apprenait à connaître la personne et tout, on était copines avec. Vous voyez, genre, en fait, c'est partagé. En fait, non, mais les téléphones jeunes, en fait, ça peut gâcher la vie. Parce qu'il y en a, ils peuvent se faire harceler alors qu'ils ont 5 ans. Franchement, ils ont un téléphone. Franchement, un téléphone tôt, les réseaux tôt, c'est pas. C'est très compliqué. Parce que franchement, il y a beaucoup de. Oh, en ce moment, ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de harcèlement. Des gens qui se font passer pour des pédophiles, qui se font passer pour des gens, et après, les enfants, en plus, tu leur donnes un bonbon, tu leur dis, je vais te donner des bonbons, ils vont en courant. Non, franchement, un téléphone, c'est dangereux. Franchement. Ouais, quand c'est utilisé à bon escient, c'est pas. C'est pas. Enfin, c'est pas fructueux, quoi. Et le harcèlement, on peut en parler? Oui. Ça se passe comment en général? Ben, moi, personnellement, j'ai jamais été harcelée. Mais le harcèlement, en fait, c'est plus quand on est contre quelqu'un. En fait, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui a rien fait, qui a rien demandé. Et en fait, c'est. Je sais pas, par exemple, on peut pas se le voir physiquement. Par exemple, il est enrobé ou. Je sais pas, sa tête, en fait, je l'ai dit, ta claque, je sais pas, des petits trucs bêtes. En fait, quand on est enfant, on s'en rend pas compte. Mais il y en a, en fait, ça les pousse au suicide. Et c'est quand, par exemple, on apprend que la personne, elle a tenté, par exemple, il y en a qui se tranchent les veines ou qui se suicident ou même qui prennent des médicaments. En fait, ils font en sorte de plus exister alors que ils ont la chance de vivre, comme on le disait tout à l'heure. Mais quand on est enfant, en fait, aussi, on ne se rend pas compte des choses. Parce qu'on peut faire des choses, après, on va regretter. Et le harcèlement, je trouve que c'est grave. Mais c'est banal, en fait, maintenant. C'est bizarre. Vous connaissez tous des gens qui ont été harcelés? Très bien, Mickaël. Non, mais si je vais pas harceler, en fait, il y avait quelqu'un, il était dans notre école. Mais en fait, il ne s'est pas harcelé. Au début, on croyait qu'il se faisait harceler. Du coup, nous, on voulait l'aider, moi et Amina. On est partis le voir, on leur a dit qu'est-ce qu'il y a et tout, tu veux qu'on te défende. Il a dit cassez-vous, oui, mais ça, dégagez. Et en fait, c'est lui qui cherchait. Ouais. Et après, en fait, là, il se faisait harceler. Mais je sais pas, j'ai déjà connu qu'il se faisait harceler. Si, je pense qu'on a tous connu quelqu'un, même on s'est peut-être pas rendu compte. Mais ouais. Après, des fois, on apprend par les chefs d'établissement ou par les mamans, enfin, c'est du bouche à oreille, quoi. Ça veut dire qu'on ne voit pas toujours quand quelqu'un se fait harceler? Non. Comment ça se passe? En fait, c'est vrai, quoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être des fois on banalise les faits ou on se dit c'est pas quelque chose de. C'est des insultes? Des moqueries. Des moqueries, des mots blessants. Ouais, des surnoms inappropriés. Ouais, plein de trucs qui vexent et qui font que. Surtout quand c'est répétitif le harcèlement. Et sur les téléphones? Mais ça, c'est pour ça aussi, les téléphones, c'est pas bien quand on n'a pas l'âge, en fait. Parce que moi, en fait, quand j'étais petite, On me disait, par exemple, quand mes cousins, j'avais pas de téléphone. Vous voyez, quand je voyais mes cousins, ils avaient 16, 17 ans, moi aussi je voulais un téléphone. Mais ils me disaient que c'est pas de mon âge. Et en fait, je comprends maintenant parce que quand je vois, quand j'avais l'âge des petits de maintenant et je les vois avec un téléphone, et il y en a, bah, comme disait Nour tout à l'heure, ils se snapent. Moi je connaissais pas tout ça. Mais en fait, c'est devenu, on va dire, leur routine. Vous voyez, nous, notre routine, bah, eux, c'est leur routine à eux aussi. Et ça peut causer beaucoup de tort en fait, dont le harcèlement. Je sais pas, je donne des exemples. Après, je pense aussi que les enfants, ils sont, quand on est petit, c'est bête et méchant. Ouais, aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. On s'en rend pas compte, hein, mais le cyberharcèlement, ça va vite. Une photo, hop, il la poste à tout le monde. Il dit, ah, regardez, elle, comment elle est grosse. Ah, elle, regardez, comment elle est grave maigre. En fait, ils complexent vite. Et du coup, en fait, à notre génération, c'est quoi? C'est grosse fesse, bien formée, ouais, tout ça. Et en fait, quand t'es trop maigre, ils vont dire, ah, t'es trop maigre, grossis, regarde, nanana. Et quand t'es trop grosse, ils vont dire, maigris, faut que tu deviennes comme ça. En fait, ça va vite. Ouais, c'est plus du jugement, en fait. Alors qu'au final, on est tous différents. Mmh. Mais on est comme on est. Voilà. Ouais, ouais, en fait, on veut tous faire du conformisme, alors que... Ouais. C'est vocabulaire, toi. Elle s'entraîne tous les soirs. On a plus de papier. Les heures du matin, ouais, ça paye. Hein. Est-ce qu'on a oublié des sujets ou pas sur l'adolescence? Je sais pas du tout. Bah, l'environnement, on en a parlé un peu. Ça dépend. Ouais. Je sais pas, il y a quoi? La famille, on en a parlé. La quoi? La famille. Tu veux commencer? Non. Ah. Bah, la famille, franchement, ouais, à notre adolescence aussi. Parce que c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois leur parler, en fait. Parce que moi, j'ai vu dans ma vie, la famille, c'est pas toujours... Des fois, il y a des amis, ils sont plus de la famille que ta propre famille. Et oui, ça reste ta famille, parce que vous avez le même sang. Mais au bout d'un moment, si c'est hypocrite, faut couper les liens, quoi. Faut pas rester dans un environnement qui te rend malade, quoi. La famille, c'est important, c'est très important. Surtout, la famille qui est très important, c'est ta mère, tes frères et sœurs, c'est le plus important. Après, il y a tes cousines proches, oui, c'est important, mais tu te dis que peut-être, à tout moment, elles peuvent te faire un coup, même si c'est tes cousines, quoi. Alors que ta mère, tes frères et sœurs, tu vois pas leur... ils vont pas te faire un coup, c'est tes frères et sœurs, c'est ton vrai sang, on va dire. Du coup, c'est ceux qui vont plus te porter vers le haut, c'est ceux qui vont te dire non, fais pas ça, fais pas ci, parce que ça, c'est ça. Alors que les cousines, oui, certes, elles vont te dire ça aussi, mais des fois, t'as ce petit doute que peut-être il y a un truc qui va se casser, quoi. Je suis pas forcément d'accord, parce qu'il n'y a pas que la famille, en fait, qui veut ton bien. Genre, ça peut être ton frère ou ta sœur. Par exemple, on va donner un exemple, c'est un peu bête, mais par exemple, dans les Marseillais, il y a Océane, elle a pris le copain de sa sœur, en fait. Et ça, c'est inadmissible, en fait. Tu peux pas prendre le copain de ta sœur alors que c'est ton vrai sang. C'est même pas genre une demi-sœur ou quoi, c'est son vrai sang. Donc pour moi, ça déjà, c'est pas ta famille, en fait. C'est propre à chacun, après, ouais, je pense, ta famille. C'est ça. Là, ils ont des problèmes avec leurs parents. Oui, c'est vrai. Ça diffère de différentes personnes. Vous, votre famille, c'est une ressource ou pas? Oui. Oui. Oui. Il y a autre chose à rajouter? Non, je crois pas. J'ai envie de faire un truc. Attends, je vais te poser. Allez, 3, 2. Je m'appelle Nour et je suis trop stylée. C'est bon? 3, 2. Bah, coucou, je m'appelle Amina. Et en fait, si je suis là ce soir, c'est parce que... je voulais qu'on se mette dans la peau de quelqu'un qu'on juge facilement. En gros, par exemple, on va juger quelqu'un facilement alors qu'on ne sait pas forcément ce qu'il ressent, ses émotions et ce qu'il vit et comment il est. Donc chaque personne est différente et chaque personne a son vécu. 3, 2... Salut, moi c'est Camélia et aujourd'hui je suis là pour accompagner Nour et Camélia et Amina, pardon, c'est le stress. Attends, on l'a fait super. Je suis vraiment stressée. 2. Salut. Quand tu veux. Salut, moi c'est Camélia et aujourd'hui je suis là pour accompagner Amina et Nour dans cette réflexion. Merci les filles. De rien.